bio kuzala nanga okuti kanga ite kino suka ya nzela okobwa kabisote oye bio kuzala chabo seke bien Seigneur merci. Ta fidélité est grande depuis l'éternité. Ce matin, tu es au rendez-vous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tes œuvres infinies. Oh, reçois honneur et gloire. Le Dieu vivant est vrai, le rocher des âges. Nos cœurs soupirent après toi. Tu es le chef de notre foi, la source de notre existence. Le Dieu qui est venu ce mois de juin pour nous faire comprendre ton désir de nous établir. Et comment nous pouvons le faire? Yahweh, viens dans cette réunion. Viens dans la maison. Viens dans la famille. C'est ta famille, Seigneur. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Réalise tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous sommes au troisième jour. Tuko siku ya tatu. Du tournant décisif. Ya mkutano huu wa tournant décisif. Tu vas accueillir deux ou trois personnes dans le tournant décisif. Utawakaribisha watu mbili ama tatu ndani ya kipindi. Tu as bien fait d'être là ce matin. Na utamwambia umefanya vizuri kuwa hapa asubuhi ya leo. Karibu sana. Karibu sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Soyez les bienvenus. Muwe karibu. J'ai la joie d'accueillir notre frère. Tunafurahi kumpokea ndugu yetu. Pasteur Chamala. Mchungaji Chamala. Karibu salut l'assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette faveur. Tunambariki Mungu kwa neema yake na kibali chake. Cette année, c'est la septième année de tournant décisif. Hii mwaka ni mwaka wa saba ambao tuna kipindi kama na hiki. Ça fait 7 ans. Inafanya miaka saba. Année par année. Mwaka kwa mwaka. Et je bénis le Seigneur parce que cette fois-ci, j'ai décidé, j'ai dit, je serai là du début jusqu'à la fin. Et ça a toujours été ma prière, si vraiment j'ai le temps, je dois être là. Pas forcément pour prêcher, mais parce qu'il y a quelque chose ici. Nous avons un mois où le ciel est ouvert. Où la force de ta prière fait descendre des choses. Je suis convaincu d'une chose. Que cette fois-ci, quelque chose va se passer pour moi. Et quelque chose se passera aussi pour toi. Que Dieu nous bénisse et apprécions ces instants. Maman Lisette et les enfants se portent bien. Na mama Lisette na watoto wako sawa. Alléluia. Amen. Nous avons la présence aussi de pasteur Odari. Tunakuwa pamoja na mchungaji Odari. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu vous établit. Wakati Mungu anakushimika. Et dans la nuit d'hier, ndani ya usiku wa jana, nous avons abordé deux sujets. Tuliweza kuzungumzia mada mbili. Le premier, ya kwanza, nous avons parlé tulizungumzia de devenir un intercesseur de Sion. Ya kukua muombaji wa Sayuni. J'espère que Dieu t'a aidé à le devenir. Natumaini ya kwamba Mungu amekusaidia ukue ule muombaji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons partagé beaucoup de choses à ce sujet. Na tumeweza kuzungumzia mambo mengi kufuatana na mada hiyo. Et Dieu était vraiment en train de vouloir que chaque archois et archoise devienne un intercesseur de Sion. Na Mungu alikuwa anahitaji kila mwanamemba wa kanisa hii akuwe muombaji. Parce que lorsqu'il exauce nos prières personnelles, nos requêtes personnelles, sababu anapojibu kwa mahitaji yetu ya binafsi, il désire nous avoir dans son camp, dans son armée, dans sa famille, dans ses objectifs, dans ses attentes. Il désire que nous soyons en fait à lui, dans son camp, pour commencer à opérer avec lui. Mungu anahitaji tukue ndani ya kambi yake, ndani ya jeshi yake, ili tuanze kutumika pamoja naye. Et nous avons vu que chaque fois que Dieu nous bénit, na tumeona kwamba kila mara Mungu anapotubariki, son objectif c'est pas juste de satisfaire à la chose que nous lui demandons. Lengo lake si tu kwa kutoshelea kwa ile tunayomuomba. Et que Dieu aussi, nous avons vu qu'il exauce ses prières personnelles, individuelles. Na tumeona kwamba Mungu anajibu kwa hii mahitaji. Il est vraiment engagé à le faire. Na anajitoa ili aifanye. Mais il ne désire pas se limiter à cela. Lakini hahitaji amalizie hapo. En fait, ce qui est important pour lui, inayokuwa ya muhimu kwake, c'est pas juste ça. Haiko tu hiyo. Il veut plus grand pour nous. Anahitaji ya juu sana kwa ajili yetu. Il veut plus grand pour toi. Anahitaji vilivyo vikubwa sana juu yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut plus grand pour toi. Mungu anahitaji vilivyo vikubwa zaidi kwa ajili yako. Il veut pas que tu restes juste un récepteur. Hataki ubaki tu mtu wa kupokea. Mais il désire transformer chacun de celui, toute personne qui croit, qui se donne à lui. Lakini anahitaji abadilishe kila mtu. Nous transformer en des donateurs. Nous transformer en des producteurs de solutions. Et non pas seulement des récepteurs individuels. Afanye tuwe watu ambao wanapana majibu, lakini tusiwe tu wanaopokea kila mara. Et Paul a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Na Paulo amesema kuna heri sana. Un intercesseur de Sion devient un donateur de solutions. Muombaji wa Sayuni anakuwa mtu anayepana. Et nous avons vu que lorsque nous le devenons, na tumeona kwamba tunapokuwa waombaji, nos requêtes personnelles, mahitaji yetu ya binafsi, vont obtenir des solutions là-dedans, zitapata dans le paquet zake ndani ya ile furushi. Et nous avons vu par les écritures, na tumeona kupitia maandiko, ceux qui ont essayé de le devenir, wale ambao walipima kuwa waombaji hao, ils ont eu des solutions incroyable. Walipata masuluhisho ambazo haziwezi. Même pour des choses qui n'ont pas demandé. Hata kwa mambo ambayo hawakuiomba. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Ningependa nimwambie mtu asubuhi leo. Durant ce tournant décisif. Ndani ya mkutano huu. Deviens un intercesseur de Sion. Uwe muombaji wa Sayuni. Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu as besoin d'être guéri. Dieu sait que tu as besoin de santé, de nourriture, de solutions, d'emploi, de promotion. Il sait que tu en as besoin. Et dans ce tournant décisif, il désire répondre à ces besoins-là. Pourquoi devrait-il nous convoquer? À quoi ça sert de se priver de la nourriture, de jeûner, de se priver de plusieurs choses si Dieu n'est pas prêt à nous exaucer? Il est écrit, je ne vous ai pas demandé de me prier en vain. Dis à ton voisin, c'est moi ici, tu ne vas pas prier Dieu en vain. Ambia jirani yako mwezi hii hautaomba Mungu kwa bure. Que Dieu exauce ta prière. Mungu ajibu maombi yako. Que Dieu exauce tes soupirs inexprimables. Mungu achibu itaji zako. Que Dieu exauce la prière que tu ne connais pas. Mungu achibu ombi amba hautumi. Que Dieu atteigne les défis que tu n'as pas encore aperçu. Mungu aende aka kutatulie shida ambazo. Parce que tu seras en train de t'occuper des affaires de Dieu. Sababu utakuwa unashughulikia mambo. Parce que ton cœur sera en train de conquérir le cœur de Dieu pour des choses plus importantes. Sababu moyo wako utakuwa unamtafuta Mungu kwa ajili ya mambo yaliyo ya maana sana. Bwana asifiwe. Amen. Et nous avons vu dans le deuxième message. Na tuliona ndani ya ujumbe wa pili. La puissance derrière l'établissement. Uwezo ambao unafuatana na kushimikwa. Parce que en fait, sababu quand Dieu nous établit, wakati Mungu anatushimika, il y a une puissance qui nous accompagne. Kuna uwezo ambao unatusindikiza. Et nous avons vu Dieu dans ses modes opératoires. Na tumeona Mungu ndani ya namna yake ya kutumika. Avec lequel il gère le monde. Ambayo anaongoza nayo dunia. Il gère le monde par le mode d'établissement. Anaongoza dunia kupitia namna kushimika. Alléluia. Amen. Chaque fois depuis le commencement. Tangu mwanzo. Il a établi Adam. Alimweka Adamu. Pour remplir la terre des êtres humains. Ili ajaze dunia wanadamu. Et nous avons vu par les Écritures. Na tumeona kupitia maandiko. Les Noé, les Abraham, Jésus, les apôtres. Noah, Abraham, Yesu na mitume. Comment Dieu pour les utiliser? Jinsi Mungu kwa kuwatumia. Il devait d'abord les établir. Angepasha kwanza kuwashimika. Et que lorsque nous nous lançons dans quelque chose, na wakati tunajitoa ndani ya jambo fulani, si Dieu ne nous établit pas dans la chose, kama Mungu atushimike ndani ya jambo hilo, rien n'arrivera. Hakuna kitakachofika. Il dit à Josué, anamwambia Yoshua, c'est toi qui vas amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Ni wewe utakayepeleka watoto wa Israeli ndani ya nchi ya ahadi. Et il ajoute, na naongeza, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mahali pote mguu wako utakapofinyanga. Pourquoi as-tu besoin de dire ça? Parce que nous savons que c'est là que nous allons, non? Tunajua kama tunaendea huko. Il est en train de l'établir. Iko namshimika. Afin que les circonstances respectent Josué. Afin que les défis s'inclinent devant Josué. Afin que les besoins soient obtenus par Josué. Afin que toute situation qu'il va rencontrer s'incline. Pourquoi prions-nous pour nos maisons? Lorsque nous voulons les habiter. Parce que autant de fois les gens sont allés habiter dans leur maison. Mais Dieu ne les a pas établis dans leur propre maison. Tu as vécu dans ta propre maison que tu as construite. Comme si tu n'étais pas chez toi. Na unakuwa kama hauko nyumbani kwako. Tu es comme un étranger. Unakuwa kama mgeni. Tu jouis pas de ta maison. Na ufurahie nyumba yako. Il faut que Dieu t'établisse là-dedans. Inaomba Mungu akushimike humo ndani. Tout lieu que foulera la plante, je te le donne. Mahali pote mguu wako utakapokanyaga. J'ai construit, oui. J'ai peiné, oui. Dieu nimejenga. J'ai fait la chose, oui. Nimefanya jambo hili. Mais il faut que Dieu m'établisse dedans. Lakini naomba Mungu anishimike ndani. Tu as commencé une entreprise. Umeanza kampuni. Et tu es comme quelque chose, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive. Na hujui nini nakufikia. Parce que Dieu t'a pas établi dans ta propre entreprise. Sababu Mungu haja kushimika ndani ya kampuni yako. Il faut chercher Dieu. Na inaomba mtafute Mungu. Et dis Seigneur. Na useme Bwana. Établis-moi dans la chose. Unishimike ndani ya kitu hiki. N'avez-vous pas vu des gens qui se sont mariés? Je mkona watu ambao wamefunga ndoa. Tu es déjà avec une femme. Umeshakuwa na mke. Mais c'est comme si tu n'es même pas marié. Lakini nakuwa kama vile haufunge ndoa. Même quand tu marches avec ta femme. Hata kama unapotembea na mke wako. Tes yeux sont en radar. Macho yako yanatambalia tu. Ya wanawake wote wanaopita ndani ya njia. Alors que ta femme est à 1 mm ici. Ijapokuwa mke wako iko karibu na wewe. Qu'est-ce qui t'arrive? Nini ambao unakufikia? L'inconvénient ya kupita ku madirisha kurendera. Il faut que Dieu t'établisse. Et durant ce mois, tu dois chercher Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Dans les choses dans lesquelles je suis impliqué, est-ce que tu m'as établi dedans? Alléluia. Amen. Et nous avons vu la puissance derrière l'établissement. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont opéré et on s'étonne de tout ce qui se passe avec eux dans la Bible. Même dans l'époque contemporaine, ça étonne lorsque tu vois quelqu'un qui est établi, comment il opère et les choses qui se passent avec lui. Oh, Dieu désire que ce soit ton cas aussi. N'êtes-vous pas arrivé à expérimenter ce genre de choses et que Dieu t'a établi chez toi? Et que les méchants viennent pour entrer dans ta maison la nuit. Et ils ne retrouvent pas ta maison. Ils trouvent de l'eau, ils trouvent du feu, ils trouvent des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a établi ici. Dieu t'a établi là. Amen. Alors ce matin, asubuhi ya leo, je voudrais partager sur un sous-point. Ningependa nizungumzie nukta kidogo. Les mystères, ishara, de la puissance, za uwezo, de l'établissement. Ya kushimikwa. Nous pouvons observer quelqu'un dans la puissance. Tunaweza kumwona mtu ndani ya uwezo. On voit les choses qu'il fait, on trouve que c'est puissant. Unaona mambo anayofanya, unaona kabisa. Mais quel est le mystère qui produit cette puissance? Lakini ni nini ishara, siri ambayo inaleta uwezo? Quel est le mystère qui est derrière cette puissance? Ni siri gani ambayo iko nyuma ya uwezo? Nini inapitikana? Lorsque nous voyons Élie, wakati tunamwona Elia, dans 1 Roi chapitre 1er, nous avons vu cela la nuit. Ndani ya kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 1 au 17e verset. Moja nous voyons Élie opérer. Le roi Akazia lui envoie ses délégations militaires pour l'attraper. Et ils viennent et disent à l'homme de Dieu, homme de Dieu, le roi dit, descends. Et la réponse de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu descend et consume ces 50 ans. Ah. C'est quoi cette puissance-là? Qu'est-ce qui est derrière ça? Quand nous voyons Paul opérer dans Actes chapitre 13, verset 8 et suivant, et quand c'était Elima, essaie de compliquer l'évangélisation du roi, et que Paul se lève et dit, arrête la bêtise, dès maintenant, tangu sasa, tu vas être aveugle, utakuwa kipofu. Et tout de suite il est aveugle. Na hapo, hapo anakuwa kipofu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche si facilement? Qu'est-ce qui est derrière cette affaire? Et le proconsul s'aligne et dit, Et il s'est converti, il dit, ça, c'est une nouvelle doctrine. Mafundisho mapya. Les choses pareilles, on ne les voit pas tout le temps. Mambo kama na haya tuyaona kila mara. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu as rencontré un homme puissant, kila mara unapomkuta mtu mwenye uwezo, tu as juste observé des choses qu'il fait et qui demandent la puissance. Umechunguza mambo anayofanya. Mais ce matin, essayons de comprendre. Lakini asubuhi ya leo tuelewe. Qu'est-ce qui est derrière cette puissance-là? Nini ambayo inakuwa nyuma ya ile uwezo? Revenons dans nos textes de base. Jean chapitre 15, versets 15 à 16. J'espère que quelqu'un a déjà mémorisé cela. Alléluia. Amen. Il est écrit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous ai appelé mes amis parce que vous savez ce que je fais. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez beaucoup de fruits. Et que votre fruit demeure. On peut le dire ensemble. Je ne vous appelle plus. Allons-y. Est-ce que ça va? Je mambo ni sawa. Vous êtes en train de lire? Je muko nasoma. Alléluia. Amen. Le serviteur connaît ce que le maître fait. Mtumishi anajua ile ambayo bwana wake anafanya. Et comme vous connaissez ce que je fais, na jinsi mnajua ninayoifanya, alors je vous établis. Sasa ninawashimika. Vous êtes des amis. Nyinyi ni warafiki. Dieu n'établit pas vaille que vaille. Mungu wa shimiki kiolela. Quelque chose doit se passer dans notre cœur. Kuna kitu kinapaswa pitika moyoni mwetu. Pour que Dieu nous établisse. Ili Mungu atushimike. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as un cœur. Na kama una moyo. Et tu es engagé. Na umejitoa. À devenir un intercesseur de Sion. Kuwa mwombaji wa Sayuni. Laisse-moi t'annoncer. Acheni kutangazie. Que ce mois ne finira pas. Hii mwezi haitakwisha. Tu n'as commencé à expérimenter des choses. Kama haujaanza kuishi mambo. Notre deuxième texte. Andiko letu la pili. Ésaïe 49. Je vais nous demander de le lire ensemble na avec moi. Nitaomba tusome pamoja. Allons-y. Tunaweza kusoma. Ésaïe 49. Isaya 49. Du premier au neuvième verset. Moja hadi tisa. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma kwa jina la Bwana. Est-ce que vous êtes là? Je muko hapo. Allons-y. Tunaweza soma pamoja. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. Il, écoutez-moi. Visanga munisikilize. Peuple lointain, soyez attentifs. Watu wa mbali mwe wangalifu. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Bwana Mungu amenita tangu. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Amenipa jina tangu kutoka. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Na amefanya kinywa changu kama vile upanga. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Amenifunika. Il a fait de moi une flèche aiguë. Na amenifanya kuwa. Il m'a caché dans son carquois. Uliononeo. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever des tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai au jour dit salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans le ténèbre, paraissez. Ils pèteront sur le chemin et ils trouveront pâturage sur tous les coteaux, ainsi de suite. Lisez tous les chapitres à la maison. C'est la continuation de la même pensée. Alléluia. Amen. Ce texte parle du Messie. Loin de l'Éternel. Il y a une année ou deux ans, nous avons parlé du thème devenir Messie de ta saison. Vous, combien ça souvient? Wangapi wanakumbuka hii mada? Et nous avons vu dans ce programme-là, je crois que c'était tournant décisif ou un programme quelconque les années passées. Nous avons vu que Dieu ya kwamba Mungu désire anahitaji avoir des messies awe na wa masia sur la terre hapa duniani, et que chacun de nous na kila mmoja wetu, dans la mission que Dieu a formulée dans son esprit à notre kazi, sujet ambao Mungu ametayarisha ndani ya roho yake, il veut traiter avec nous comme des messies anahitaji atumike pamoja nasi kama wa masia nao watuma. Et toutes les fois que Dieu a oint un homme, une femme, le oindre signifie le rendre Messie. Pour quelque chose, le rendre Messie. Pour une mission. Et dès l'instant où ta destinée n'est pas juste un parcours vain, lorsque ta destinée est un objectif divin, alors tu as besoin d'onction pour vivre totalement, efficacement ta destinée. Et donc tu es un Messie. Nous avons aussi parlé dans les années passées de connaître ton nom divin. Et nous avons vu que notre nom divin est un condensé des choses que Dieu attend de nous sur la terre. Et pour que nous soyons capables de les accomplir, nous avons besoin d'être loin. Et quand nous sommes loin, nous sommes donc Messie. Tu peux saluer Messie à côté de toi. Et demande-lui, tu es Messie de quoi? Alléluia. En quoi tu es Messie? Pourquoi? Alors ce texte, le titre c'est le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. C'est aussi, il y a plusieurs années, je vous ai déjà parlé, que Dieu m'a parlé dans ce texte. C'était le 8 juin. Je me suis toujours demandé pourquoi le tournant décisif est arrivé au mois de juin. Est-ce que ça a une signification? Si c'est le chiffre de l'homme, kama inakuwa hesabu ya mwanadamu, sita ni hesabu ya mwanadamu. Et voici, nous sommes au sixième mois. Na sasa tazama tuko kwa mwezi wa sita. Dieu a créé l'homme le sixième jour. Mungu alimuumba mwanadamu siku ya sita. Et il lui a donné une mission. Na kampatia kazi. Le sixième jour. Siku ya sita. Qu'est-ce que c'est que ça, que le mois de juin soit important comme ça? Inamaanisha nini hii mwezi wa sita ikuwe ya muhimu namna hivi? Et Dieu me dit ce jour-là. Na Mungu akaniambia ile siku. 1991. Il me dit je t'établis. Akaniambia ninakushimika. Pour être la lumière des nations. Ili uwe nuru ya mataifa. Porter mon salut aux extrémités de la terre. Na ubebe wokovu yangu hadi mwisho wa dunia. Et je retrouvais cette affaire dans ce texte. Na nikapata hii jambo ndani ya andiko hili. Et Dieu m'a montré tout ce qui va arriver. Na Mungu akanionyesha yote itakayofika. Alléluia. Amen. C'était 8 ou 9 ans avant l'existence ou les avant le commencement de l'arche. Ilikuwa miaka 8 ama 9 mbele kanisa hili lianze. Or dans ces termes, dans ces phrases, na ndani ya misemo hizi, existait aussi cette réunion. Kulikuwa ile mkutano. Hii chargé de bâtir un peuple fort. Ambao una usika kujenga taifa lenye nguvu. Des nations. Ambao itakuwa nuru ya mataifa. Un peuple qui va être porteur de salut. Ambao utabeba wokovu. Aux extrémités de la terre. Hadi mwisho wa dunia. Et ces choses sont des mystères. Na mambo haya inakuwa kama siri. Voici quelques mystères. Tazama ishara ama siri fulani fulani. Derrière la puissance de l'établissement. Ambayo inakuwa nyuma ya uwezo wa kushimika. Le premier mystère. Ishara ya kwanza. C'est le choix divin ni, sur ta vie. Ni uchaguzi wa Mungu juu ya maisha yako. Le choix divin. Uchaguzi wa Mungu. Dans ce texte, ndani ya andiko hili, nous voyons la première chose. Tunaona jambo la kwanza. Dans la première partie, ndani ya sehemu ya kwanza, il est écrit au premier verset, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Imeandikwa ya kwamba il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de maternelle. Na amenipa jina tangu kutoka tumboni mwa mama yangu. Il m'a choisi. Na amenichagua. Il a opéré un choix sur mon nom, sur ma personne. Amechagua utu wangu. Il faut que Dieu te choisisse. Inomba Mungu akuchague. Pour t'établir. Ili akushimike. Quand Dieu a opéré un choix sur toi, wakati Mungu amekuchagua, il est engagé avec toi. Anajitoa pamoja na wewe. Tu ne fais pas d'effort pour lui dire Seigneur agis. Hauchikaze ili umwambie Bwana utende. Il sait que c'est lui qui a créé cette affaire. Anajua kwamba ni yeye ndiye aliyeumba. Il sait que c'est lui qui t'a mis là. Anajua ni yeye ndiye alikuweka hapo. Il est redevable. Na anakuwa na vitu vya kufanya. Il est obligé. Anakuwa na shurutisho. De faire marcher. Ili afanye les choses. Mambo ile qu'il t'a demandé de faire. Aliyokuomba ufanye. Pas celui qui t'a choisi. Sababu ni yeye ndiye amekuchagua. Il dit à Paul, anamwambia Paulo, le jour de sa conversion, siku alipookoka, il te sera difficile de régimper les aiguillons. Akamwambia itakuwa vigumu upande juu ya miba. Maintenant va entre dans la ville. Sasa ingia ndani ya mji. Et on te dira ce que tu vas faire. Na watakwambia ile ambayo utakayofanya. Et Dieu va voir Ananias et lui dit, na Mungu atamwona Ananias akamwambia, ne refuse pas d'aller rencontrer cet homme là parce que c'est un instrument entre mes mains. Usikatae kwenda kumuona ule mtu sababu ni chombo mkononi mwako. Na nitatenda pamoja na ule mtu. Va le voir. Wendo kamone. Tu vas lui ouvrir les yeux. Na utamfungua macho. Et tu vas lui imposer les mains. Na utamwekea mikono. Ah. Et après? Na baadaye. Dieu est en train de dire, Mungu iko nasema, je suis engagé avec cet homme là. Nimejitoa kutumika na ule mtu. Parce que j'ai porté mon choix sur lui. Sababu nimemchagua. Et comme mon choix est porté sur lui, toutes mes ressources de puissance est engagée derrière lui. Lorsque Dieu t'établit, il libère la ressource de sa puissance. Cela n'a pas toujours besoin d'être agité. Les hommes puissants ne sont pas toujours agités. Et la puissance ne se manifeste pas toujours par l'agitation. Mais amen. Mais elle se manifeste parce qu'il y a un mystère derrière. Lakini najionyesha sababu kuna siri nyuma. J'ai choisi cet homme. Nimechagua huyo mtu. Il est dans mon lot. Iko ndani ya watu ambao nimechagua. Il est dans ma chose. Iko ndani ya kitu changu. Mungu Baba. Il est dans ce que j'ai prévu. Iko ndani ya ile kitu niliyotayarisha. Et ma provision surnaturelle. Na akiba yangu ya kiishara. Et derrière lui. Iko nyuma yake. Bwana sifiwe. Amen. Les implications du choix divin sont les suivants dans ce texte. Vinavyo acha Mungu akuchague viko ndani ya hii andiko. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 6 il est écrit. Wa Efeso 3 6 imeandikwa. Ce mystère. C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Les païens, devenus enfants de Dieu, sont co-héritiers. Ils forment un même corps et ils participent. Ils participent wanashiriki aux mêmes promesses kwa hadi ile ile en Christ. Ndani ya Kristo. Autrement dit, kwa maneno mengine, les promesses ahadi que le Père a assignées sur Jésus-Christ, ambao baba aliweka juu ya Yesu Kristo, les païens que nous étions, wapagani sisi tuliokuwa, devenus membres de la famille de Dieu maintenant, tumekuwa wana member wa jamaa ya Mungu, ces mêmes promesses ile ile ahadi ont été transphasées sur nous. Zimeleta kwetu. Ce que Dieu a prévu comme provision sur Christ, il a transphasé sur les participants à ces promesses. Je suis participant des promesses de Dieu. Je suis participant. Ça, c'est grave. Je suis participant mimi ni mshiriki de la promesse wahadi. Et quand tu es participant de la promesse, na wakati wewe ni mshiriki wahadi, tu es aussi participant des objectifs. Uko pia mshiriki wa shabaha. Tu es participant du mode opératoire. Uko mshiriki wa namna mtumikio. Tu es participant des attentes. Uko mshiriki wa ile ambao Mungu anangojea. Les promesses de Dieu seraient-elles assignées sur moi si Dieu n'attend rien de moi? Kama Mungu agojee kitu kwangu, à quoi cela servira-t-il? Ile itafaa nini? Souvent nous réclamons les promesses mara tunakuwa tukiomba ahadi pour juste en jouir. Ili tuzifurahie. Laissez-moi vous dire ce matin, acha niwaambie asubuhi leo, retenez-le définitivement. Na muishike. Dieu, Mungu, dans sa motivation d'établir un homme, il ne vise pas d'abord la jouissance, mais il vise la mission. Il vise l'objectif à atteindre. La plupart de nos prières consistent à obtenir, à conquérir, nous avons dit hier. Les hommes aujourd'hui conquièrent Dieu pour sa poche. Et dès l'instant où ils tirent quelque chose de la poche de Dieu, ils disparaissent dans la nature. Maombi yetu nyingi nakuwa na sababu ya kutoa kitu ndani ya mfuko wa Mungu na kisha unapotea. Nous sommes très amis des poches de Dieu. Na tunakuwa warafiki sana wa mifuko ya Mungu. Mais jamais amis du cœur de Dieu. Lakini hatujakuwa warafiki wa moyo wa Mungu. Et comme ça, vous avez obtenu la bénédiction de Dieu dans l'église et vous avez disparu. Vous avez obtenu la prière sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur vos défis. Et Dieu a exaucé et vous avez disparu. Où êtes-vous parti? Vous étiez venu à la maison de Dieu pour juste tirer quelque chose de la poche de Dieu et partir. Ulikuja nyumbani mwa Mungu ili utoe kitu ndani ya mfuko wa Mungu kisha uende. qui veulent demeurer des amis de la poche de Dieu. Wangapi wanapenda wabaki wa rafiki wa mfuko wa Mungu? Qui veulent demeurer des amis du cœur de Dieu? Wangapi wanapenda wabaki wa rafiki wa moyo wa Mungu? Alléluia, acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Imaginez, frères et sœurs, une église composée des amis du cœur de Dieu. Qu'est-ce que cette église devient? Uone namna gani hii kanisa itakuwa wakati inaundwa na watu ambao ni warafiki wa moyo wa Mungu. C'est un terrain juteux de choix divin sur les hommes et les femmes. Inakuwa uwanja ambao Mungu amechagua watu. Je disais donc, voici quelques implications qui ressortent du texte de Ésaïe 49. Nilikuwa nasema mambo fulani fulani natoka ndani ya hii andiko ya Isaya 49. Quand Dieu te choisit. Wakati Mungu anakuchagua. Où les implications du choix divin sont les suivantes. C'est une décision que Dieu prend sur ta personne. Ni uamuzi ambao Mungu anachukua juu ya utu wako. Avant même de s'adresser à toi. Mbele hata haja kuzungumzia. La plupart des hommes que Dieu a appelés et choisis, watu wengi Mungu alioita na kuchagua, il a décidé sur leur vie, aliamua juu ya maisha yao, à leur insu, bila wao kujua. Il est venu leur parler après. Alikuja kuwazungumzia baadaye. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Mungu alinita tangu kuzaliwa kwangu. Et dans Jérémie 1:5, na ndani ya Yeremia 1 mstari wa 5, l'Éternel dit, Bwana Mungu anasema, avant que tu fusses conçu dans le sein maternel, Jérémie, mbele ujengwe ndani ya tumbo ya mama yako Yeremia, je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai consacré et je t'ai établi. Nilikujua, nilikuchagua, nikakuweka wakufu na nikakushimika. Alors, est-ce que tu savais que tu étais en train d'être choisi, Jérémie, quand tu étais fœtus? Yeremia, je ulijua ya kwamba umechaguliwa wakati ulikuwa ndani ya tumbo ya mama yako. Jérémie va le savoir à l'âge de l'adolescence, à les 15-20. Yeremia ataijua wakati anakuwa kijana akiwa na miaka 15. Il était déjà choisi, il ne savait pas. Mais il ne pouvait pas s'étonner de se rendre compte de la manière dont les choses sont en train d'être inclinées dans sa vie. Parce que Dieu était en train de l'amener justement à la destination. Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas que certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Simplement parce que Dieu est en train d'incliner les choses vers la destination qu'il avait prévue avant de te le dire. Quelquefois nous résistons à Dieu, nous persistons. Je veux être homme d'affaires. Je veux être homme d'affaires. Et Dieu te veut dans le ministère. Je veux être dans le ministère. Je veux être dans le ministère. Et Dieu te veut dans les affaires. Il t'a choisi pour quelque chose avant de te le dire. Alikuchagua tu atambo fulani hata mbele ya kukuambia. Et la Bible déclare. Na Biblia inasema. Marchons humblement avec Dieu. Tutembee kwa unyenyekevu. Soyons souples avec Dieu, frères et sœurs. Lorsque certaines choses ne s'inclinent pas dans notre volonté, il est possible que Dieu est en train de nous drainer vers notre vraie destination. Inawezekana Mungu iko natupeleka kwenye mwelekeo wetu wa kweli. Et si Dieu parle à quelqu'un. Je Mungu iko namzungumzia mtu. Et durant ce tournant décisif, ne rate pas ta destination. Na ndani ya mkutano huu usipoteze mahali unapoendea. Alléluia. Amen. Deuxième implication. Kitu cha pili. Dieu investit en la personne choisie. Mungu anawekeza mambo ndani ya mtu ambaye amechaguliwa. Hapa ni kushahili la pili. Troisième implication. Ya tatu. Dieu formule le but de ton existence. Mungu anatengeneza lengo la kuwa kwako. Verset 3. Shahili la 3. Quatrième implication. Kitu cha nne kinachotokea. Dieu te fait connaître son choix. Mungu anakujulisha uchaguzi wake. Il fait connaître le choix au concerné. Verset 3 et 4. Anajulisha uchaguzi wake kwa ule aliyeitwa. Cinquième implication. Matokeo ya 5. Il fait connaître la mission. Anaonyesha kazi. À celui qu'il choisit. Kwa ule mtu ambaye amechagua. Et dans ce texte, na ndani ya andiko hili, au verset 5 et 6, kwa shahili la 5 na la 6, Dieu révèle la mission qu'il destine au Messie. Mungu anaonyesha kazi ambayo anatayarisha kwa huyu Messie. Il lui dit, regardez cela. Anasema hivi, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob, pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour elle la lumière des nations et pour porter mon salut aux extrémités de la terre. Quatre choses. Anaonyesha mambo mane. relever les tribus d'Israël, ramener à Dieu Jacob, être la lumière des nations, porter le salut de Dieu aux extrémités de la terre. Voilà toutes les opérations que Dieu veut exécuter avec les hommes qu'il choisit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ndugu dada, vérifie si Dieu t'a choisi. Chunguza kama Mungu amekuchagua. Et durant ce mois, na ndani ya mwezi huu, nous avons enseigné hier, tumefundisha jana, sur le principe juu ya kanuni avec lequel fonctionne les intercesseurs de Sion. Ambao wanatumikisha waombaji wa Sion. Parmi ces principes, nous avons parlé de prier long et profond. Miongoni mwa kanuni hizi tumezungumzia kuomba saa ndefu na kinagana. Prier long kuomba maombi marefu et profond na kinaganaga. Tu peux encourager le voisin, dit frère. Naweza kumtia moyo jirani kuanzia sasa. Il faut prier long. Inaomba uombe masaa marefu na kinaganaga. Encourage le. Mtie moyo. Encourage le voisin. Mtie moyo jirani. Prier long et profond. Kuomba saa ndefu na kinaganaga. Prions long et parfait et profond, archois et archois. Tuombe saa mrefu kabisa na kilindini. Prions profond. Tuombe kilindini. Débarrassons-nous de ces prières flash. Tuachane na ile maombi kama ambao unadondoa. Prions long et profond. Tuombe saa ndefu na kilindini. C'est le modèle que Christ a montré. Na hii ndio mfano ambao Kristo ameonyesha. Et quand nous prions ainsi, na tunapoomba hivyo, nous n'allons pas rater les choses profondes de Dieu. Hatutapoteza mambo ya ndani ndani ya Mungu. Et les affaires de choix divins sur ta vie, na mambo ya uchaguzi wa Mungu tu ya maisha yako, se discute dans les profondeurs. Inakuwa ikizungumziwa ndani ya kinaganaga. Ça se passe pas dans les superficialités. Haipitikane kwa juu juu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième mystère. Ishara ya pili. Le but divin. Lengo la Mungu. Quand Dieu est celui qui a formulé le but de ta vie, wakati Mungu ndiye ameweka lengo tu ya maisha yako, quand c'est lui qui a formulé le but dans lequel tu es engagé, tu es impliqué, wakati ni Mungu ndiye ametengeneza lengo ndani ya ile ambayo unajitoa ndani, il est obligé, anashurutishwa, de le faire réussir, afanye ifanikiwe. Les hommes et les femmes, wanaume na wanawake, qui opèrent dans le but de Dieu, wanaotumika ndani ya lengo la Mungu, obtiennent, wanapata, le mystère, ishara, de la puissance de Dieu, ya uwezo wa Mungu. Pourquoi? Sababu gani? C'est Dieu qui veut ça. Ni Mungu ndiye anahitaji hii. Qu'est-ce que mystère? Ishara ni nini? Un mystère, ishara, c'est quelque chose, ni jambo, que nous ne saurons jamais appréhender avec notre intelligence humaine. Ambao tuwezi kujua kupitia akili yetu ya kianadamu. Pourquoi je parle de mystère ce matin? Sababu gani nazungumzia ishara masiri asubuhi ya leo? Parce que le choix divin, sababu uchaguzi wa Mungu, même quand c'est toi qui es choisi, hata kama ni wewe ambao umechaguliwa, tu ne seras jamais pleinement capable de comprendre pourquoi tu as choisi moi, Seigneur. Hautaweza kuelewa kinadani sababu Mungu amekuchagua. Et puis dans ces choix, na ndani ya uchaguzi, tu ne sauras jamais appréhender la totalité de tout ce que Dieu, de tout ce qui a motivé Dieu, de tout ce que Dieu a prévu, de tout ce que Dieu veut faire avec toi. Hautaweza kujua yote ambao Mungu ametayarisha na ile ambao Mungu atafanya juu yako. Même les hommes que vous voyez utilisés par Dieu, mnajua hata watu ambao mnaona Mungu akiwatumia, ils ne savent pas totalement à quoi Dieu veut arriver. Hawajui yote ambao Mungu anapenda afikie. Dieu appelle Moïse. Mungu anamuita Musa. Il dit va libérer Israël de l'Égypte. Anasema uende ukatoe Israeli kutoka. Et en cours de route, na ndani ya njia, Dieu veut le tuer. Mungu anatafuta kumuua. Ah bon? Mais tu m'as choisi, non? Sumenichagua. Maintenant tu veux me tuer pour faire quoi? Sasa unatafuta kuniuya nini? C'est une aventure. Si inakuwa kama mchezo. Il a fallu que sa femme, circoncis le bébé et mette le sang sur lui. Et Moïse revient. Ce sont des mystères, le choix de Dieu. Ce sont des mystères, le but de Dieu. Et comme c'est un mystère, c'est intéressant en fait. Parce que même ce que j'estime que je ne connais pas est aussi prévu dans la chose. Ce que je ne maîtrise pas est prévu dans ce mystère. Je ne sais pas quoi, mais Dieu sait. Et comme il sait, lorsque je me retrouve dans le terrain d'opération, en train d'accomplir le but, Dieu libère sa puissance. Et la puissance de Dieu sera libérée tout le long de ce mois. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ici que Dieu a établis. Le mystère du but, le mystère du but de Dieu pour ce mois ici vont soutenir ce mois. Vous soutenir les tournants décisifs et vous allez revenir avec d'abondants témoignages. Les défis que vous avez seront changés en témoignages. Est-ce que je sais ce que Dieu va faire? Non. Je me rassure simplement que je suis en train d'accomplir les buts de Dieu et Dieu se débrouille pour que ce but s'accomplisse. Et la destination de ce but, c'est toi et moi. Quelqu'un acclame le Seigneur parce qu'il est concerné aussi. Hey. Je fais partie du but en question. Je devrais acclamer plus. Je vous assure, si Dieu a un but, Dieu a un but pour moi. Hey. Dieu a un but pour moi. Je connais moi les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hey, Seigneur, tu as un but pour moi? Alors je vais aller dans des prières longues et profonde, parce que c'est dans ce terrain-là que ça se discute. Au verset 6 d'Ésaïe 49, Dieu dit, Mungu anasema, je t'établis ninakushimika pour kwa ajili. Il y a un but. Kuna lengo. Je t'établis ninakushimika pour être la lumière des nations ili uwe nuru ya mataifa et porter mon salut na ubebe ukovu aux extrémités de la terre. Hadi mwisho wa dunia. Mais comment cela ça va se passer? Hii itapitikana namna gani? Comment je vais être une lumière des nations? Namna gani nitakuwa nuru ya mataifa? Lumière? Nuru. Dis-moi lumière de mon quartier. Suniambie nuru ya kata yangu. Lumière de ma famille. Suniambie nuru ya jamaa yangu. Comment lumière des nations? Sasa nuru ya mataifa. Comment je vais, vous savez, on... Namna gani nitaifanya? Quand Dieu appelle Paul. Unajua Mungu anapomuita Paulo. Il n'y a pas d'avion. Hakuna ndege. Les avions ne sont pas encore inventés. Quelqu'un n'a jamais même pensé. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas de satellite. Il n'y a pas de fusée. Il n'y a pas tout ce qui existe aujourd'hui. Mais Paul, comment tu vas arriver aux nations? Le mystère. Est-ce que Paul est arrivé aux nations? Oui. Comment? Namna gani? Le mystère siri. Du but divin. Ya lengo la Mungu. Le mystère siri. Du choix divin. Ya uchakusi wa Mungu. A rendu ces choses possibles. Ilifanya hii mambo iwezekane. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais un choix sur un homme et tu l'établis? Unamchagua mtu na unamshimika. Vous savez, Dieu peut toujours avoir aussi des buts. Unajua Mungu anaweza kuwa kila mara na lengo. Et les accomplir avec tout le monde. Na anazitimiza pamoja na kila mtu. Pourquoi tu établis Paul? Sababu gani unamshimika Paulo? Parce que Dieu veut avoir Un répondant. Les hommes et les femmes choisis, Dieu les choisit pour faire d'eux des répondants. Je suis un répondant par rapport à vous, vous savez. Tu m'as établi berger de ce troupeau. Tu pouvais aussi créer un troupeau et puis c'est pour tout le monde et puis tout le monde vient et puis tout le monde est pasteur et puis tout le monde. Vous voyez pourquoi quelquefois certaines phrases dans la société chrétienne ne marchent pas. Quand les gens veulent être des rebelles dans les églises, ils utilisent ce genre de phrases. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Un peu comme pour dire, il n'y a pas de répondant. Tout le monde répond. Vous avez déjà entendu ce genre de phrases? Vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce que lui croit là? Nikazi Amungu. C'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu établit, il veut avoir un répondant. Quand Dieu t'établit comme chef de ta famille, il veut que tu sois le répondant par rapport à ces enfants que tu mets au monde. J'ai vu dans cette tribu, les gens mettent au monde et ils attendent que les ongles soient des répondants. Quand Dieu, nous avons dit hier, quand Dieu t'a créé homme, il t'a établi père. Il t'a établi mari de quelqu'un. Les paniers des offrandes vont commencer à passer. Tu peux prendre ton offrande et recommande ça à Dieu. Seigneur, bénis et accepte nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Frères, sœurs, Ndugu kakanadada, Dieu cherche des répondants sur la terre. Mungu anatafuta watu watakao pana ripoti. Beaucoup d'objectifs, beaucoup de buts ne s'accomplissent pas. Malengo nyingi hazitimilike. Parce qu'il y a manque de répondants. Sababu hakuna mtu wa kutoa ripoti. S'il n'y avait pas de répondants, le ministère caché. Vous allez vous asseoir sur ces chaises en essayant de mettre le doigt comme ça. Kwenye vile viti mukiangalia kama kuna uchafu. Mais parce qu'il y a des répondants. Lakini sababu kuna watu ambao wanapaswa kufanya ripoti. Combien quand ils sont entrés dans cette salle ont essayé de vérifier s'il y a la poussière, s'il y a la chaise. Wangapi walipoingia ndani ya ikalu walichunguza kama kuna vumbi kwenye viti. Vous êtes assis simplement. Ulikaketi tu. Parce que vous savez qu'il y a des répondants pour ça. Sababu unajua kwamba kuna wanaohusika na hii kazi. Et toi tu es répondant pour quelque chose. Na unahusika juu ya kazi fulani. Nous sommes des répondants pour gagner les âmes. Tunahusika kwa kuuinda. Dieu n'a pas besoin de transpirer pour nous le dire. Na Mungu hana haja ya kutoa jasho ili atuambie nayo. Tu es répondant tant que femme de ton mari. Unahusika kama vile mke wa mume wako. N'est-ce pas les mamans? Sio hivyo wa mama. Eh, mtoto, tilia mai baba yako. Petit, tu peux mettre l'eau dans la douche pour ton papa. Vous avez fait ça, non? Vous avez livré vos maris à vos domestiques. Na mmepatia waume wenu kwa watu wa kufanya kazi nyumbani. Tilia baba. Tu peux mettre de l'eau dans la douche pour papa. Eh, mupangie meza. Tu peux même arranger la table pour lui. Sawa. OK. Sawa. OK. Dieu t'a établi épouse. Mungu amekuweka kama mke. Pour qu'il ait un répondant dans ce foyer là. Il y a kuna mtu ambaye atahusika na kazi fulani fulani ndani ya ile nyumba. Et les hommes naviguent dans leur oisiveté, ils ne veulent pas travailler, ils naviguent. Et ils veulent que la femme apporte à manger. Vous avez préparé quoi? Ta franga gani? Tu as amené quel argent? Ningepiga haye. Comment je pouvais préparer? Pourquoi tu es le mari? Sababu gani wewe ni mume? Oh non, si na kazi. Oh, j'ai pas de travail. Et la femme, bibi konji kona kazi basi. Et c'est la femme qui a maintenant la le travail. La femme travaille où? Mke anatumika wapi? Oh, moi anaweza uzisha makala, sina uzishe makala. Elle peut vendre les braises. Toi aussi tu peux vendre les braises, non? Amen. C'est toi le répondant. Quelquefois, on a laissé nos charges aux femmes. Fuite les responsabilités. Dieu t'a établi pour ça. C'est une fuite de responsabilité. Et on passe le temps à jouer au mangula. En attendant que la femme va se débrouiller là quelque part et va couper les herbes derrière la maison. Ou chez les voisins. Ama kwa jirani. Ou lui, je débrouille à Yeleo. Léo, tu as fait quoi aujourd'hui? C'est moi le chef de cette famille. Mimi ndimi msimamizi wa jamaa hii. Le troisième mystère. Ishara masiri ya tatu. L'alliance de l'homme établi avec Dieu. Agano la mtu ambaye ameshimikwa pamoja na Mungu. Alliance en hébreu. Agano beril, na kiebrania. Et en grec diateke veut dire. Ndani ya kigiriki diateke na manisha. Un pacte au moyen duquel des personnes unissent leurs intérêts et unissent les conditions de leur réalisation. Les hommes mettent ensemble leurs intérêts. Dieu et toi mettent ensemble les intérêts. Et le principe et les conditions pour les accomplir. Le verset 7 de ce texte que nous avons lu, la deuxième partie, j'aimerais que tu le regardes avec moi. Ce verset 7 révèle le ton avec lequel Dieu s'est engagé en alliance avec ce Messie. Regardez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Il parle à qui? À l'homme qu'il a choisi. À l'homme qu'il a établi. À l'homme sur qui il a formulé un but. Mais cet homme-là, c'est toi et moi. Nous sommes... On est des êtres humains. Poussière, faible. Tel que nous sommes, des hommes que l'on méprise. Regardez ça. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. La Bible dit, Paul a dit, Dieu a choisi des hommes faibles pour confondre les forts. Regardez comment ça se passe. Et ça provient de quoi? De l'alliance. Alléluia, quelqu'un acclame le Seigneur. Ça provient de l'alliance. Il dit, des rois les verront et ils se lèveront. C'est le mystère derrière. Des princes le verront et ils se prosterneront. Ils vont se prosterner devant Dieu. Non, devant toi. Devant l'homme établi. Et ils vont se prosterner pourquoi? Parce que derrière cet homme-là établi, il y a un personnage. Lequel? Il dit, à cause de l'Éternel. Derrière moi, il y a l'Éternel. Je suis poussière, fourmi, rien. Mais derrière la fourmi, il y a l'Éternel. Derrière la poussière, pauvre poussière, il y a l'Éternel. Qui est là encore? Cet Éternel est fidèle. Depuis le choix, en passant par le but, jusque dans l'alliance, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. À cause de l'Éternel qui est fidèle. Sababu ya Bwana wa milele aliye mwaminifu. Mais c'est pas tout. Na sio mwisho. À cause du Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Qui t'a choisi. Retrouve-toi dans cette phrase. S'il est vrai que moi aussi je suis concerné par le choix divin, donc, tel que je suis là, il y a derrière moi le Dieu, l'Éternel, le Dieu fidèle, le Saint d'Israël, qui a fait quoi? Qui a porté son choix sur moi? L'alliance. Agano. Les rois vont s'incliner, les princes vont se prosterner. Parce que le mystère de l'alliance est en train de fonctionner. Je vais vous montrer quelque chose. Le monde des ténèbres a souvent des difficultés avec cette affaire. Alléluia. Amen. Des difficultés à décrisper le mystère derrière les hommes établis. Je vous donne deux exemples. Moïse vient en Égypte. Le pharaon appelle ses satrapes, plutôt ses sorciers, ses magiciens. Moïse jette son bâton. Moussa ana tupa chini fimbo yake. Les magiciens aussi jettent leurs bâtons. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé? Les magiciens essaient de dire: Moïse, Moussa. Si fimbo, si nasi tu kona ma fimbo. Nous avons aussi un bâton. Ok. Naye mutupe. Ok, vous pouvez jeter aussi vos bâtons. Ils ont jeté leurs fimbo. Na wakatupa fimbo zao chini. Résultat. Matokeo sasa. Le bâton de Moïse, fimbo ya Moussa, a un plat délicieux sur la table. Inakuwa sasa na chakula nzuri kwenye meza. Le bâton de Moïse mange les bâtons des magiciens, na des fimbo sorciers, ya Moussa inakula occultes. Sasa ile fimbo ya wafumu na wachawi. Na wakakula. Il a mangé ikakula leur bâton. Ikakula fimbo zao. Ce jour-là, siku ile, le bâton de Moïse n'a pas vomi. Fimbo ya Musa ikutapika. Les bateaux des sorciers n'ont pas fait mal au ventre. Na fimbo za wachawi zikumuuma tumboni. Moïse est rentré à la maison. Na Musa alirudi nyumbani. Avec dans le ventre de son bâton. Akiwa ndani ya tumbo ya fimbo yake. Avec le bâton des sorciers. Alikuwa na fimbo ya wachawi. Frère, ndugu dada. À partir de ce mois, kuanzia mwezi huu, cesse d'avoir peur des sorciers. Acha kuogopa wachawi. Ils ne comprendront jamais. Hawataelewa hata siku moja. Le mystère derrière. Ishara ambayo iko nyuma. Ton établissement. Kushimikwa kwako. Il y a des mystères. Kuna ishara. Et chaque fois que le pharaon a appelé Moïse, les sorciers sont venus dans les rendez-vous suivants. Ils sont venus aux réunions. Ils n'avaient plus de bateau. Alléluia. Amen. Que les ennemis de ta vie reviennent. Laisse-les venir. Ils n'ont plus de bateau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à la plaie, à la plaie des poux. Mpaka wakati chawa. La plaie. Wakati pigo la chawa lilifika. Où Dieu dit à Moïse. Ambao Mungu anamwambia Musa. Prends la poussière et souffle dessus sur le pays. Chukua mavumbi na uipandishe juu ndani ya nchi. Upulizie. Et c'est devenu des poux. Na ikageuka chawa. Quand on était enfant. Wakati tulikuwa watoto. En fait, au village. Ha, uko kijijini. Peut-être pas vous qui avez grandi et né en ville. Sazi moja sio nyinyi ambao mmekomalia ndani ya mji. Les poux dans les habits, chawa, ndani ya mavazi na ndani ya kichwa. Dieu a répandu des poux dans tout le pays. Mungu akajaza chawa ndani ya nchi yote. Les poux sur le roi pharaon. Chawa kwa mfalme farao. Les poux sur les magiciens, les sorciers. Chawa kwa wafumu na wachawi. Ce jour-là. Ile siku. Pourquoi pharaon les appelait aux réunions? Sababu gani pharaon liwaita kwenye mikutano? En fait, il leur disait. Sababu alikuwa anawaambia. Aidez-moi, non? Faites-vous aussi quelque chose. C'est Moïse là, il est orgueilleux là. Qu'est-ce qu'il croit? Ce jour-là, les magiciens répondent au roi. Ils lui disent, ça c'est le doigt de l'éternel. C'est le doigt de l'éternel. Que le doigt de l'éternel commence à opérer dans ta vie de ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que les ennemis de ta vie commencent à vivre le doigt de l'éternel. Et qu'ils se rendent compte qu'ils ont essayé hier. Qu'ils ne sauront pas continuer à essayer. Je dis aux ennemis de ta vie, vous ne saurez pas continuer. Je dis aux sorciers, aux magiciens, vous ne saurez pas continuer à essayer avec cette église. Parce qu'il y a des mystères. Ça, c'est le doigt de l'éternel. Hiki ni kidole cha Bwana wa milele. On n'a plus rien à faire. Hakuna tena cha kufanya. Hatutaweza. On va pas réussir. Pharaon, tuache. Laisse-nous en paix, Pharaon. Tuache. Laisse-nous en paix. Ça, c'est le doigt de l'éternel. Hiki ni kidole cha Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Vous voyez ça dans Exode chapitre 12 verset 15. Mnaona hii ndani ya kitabu cha kutoka 12 mstari wa 15. Et dans Exode 9:11. Ndani ya kitabu cha kutoka 9:11. Il est écrit. Imeandikwa. Lisez ça et soulignez ça dans votre Bible. Mnaweza kuisoma na muweke kistari chini ya hiyo ndani ya Biblia. Car Dieu vous promet cela ce matin. Sababu hii ni ahadi juu yako asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Il est écrit, les magiciens wafumu ne purent paraître devant Moïse hawakuweza tena kuenda mbele ya Musa à cause des ulcères. Sababu ya vidonda. Les jugements de Dieu hukumu ya Mungu ont commencé à tomber sur les occultistes de l'Égypte. Vikaanza kuanguka juu ya wachawi. Il a appelé les ulcères. Aliita vidonda. Et ce jour-là, na ile siku, les magiciens ne sont pas venus à la réunion. Quelqu'un a déjà souffert d'ulcère? Magicien venait à la réunion. Roi vit à jamais. Il y a Léo. Je n'arrive pas à marcher. Et les ulcères ne choisissent pas des bons endroits. Vivimba vichague mahali pazuri. Ngine likuya hapa. Kivimba kiko hapa kwenye mguu. Je ne saurais pas venir à la réunion. Na sitaweza kuja kwenye mkutano. Non, vous devez venir, c'est un ordre royal. Utakuja hivi. Oh, roi vit à jamais. Oh, mfalme uishi milele. Je ne sais pas venir. Siweziweza kuja. À partir de ce jour-là. Kuanzia ile siku. Quand vous lisez la suite. Unaposoma inayoendelea. Tous les débats Moïse et les pharaons. Les magiciens n'étaient pas présents. Quand Dieu vous choisit, il y a des mystères derrière. Levons-nous, on va prier. J'aimerais faire un appel ce matin. Tu es là ce matin. En fait, tu as besoin d'entrer dans ces phénomènes. Ces phénomènes divins de l'établissement. Mais laisse-moi te dire que tu ne sauras pas. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es, j'ai prié avec toi. Merci frère. Asante ndugu. Merci. Asante. Merci. Avancez-vous ici devant rapidement. Asante msogee hapa mbele karibu. J'aimerais prier pour vous. Ningependa niwaombee. Venez rapidement. Mkuje haraka. Et tu commences à prier toi qui es là. Na utaanza kuomba wewe ambaye uko hapa. Nous avons dit. Tumesema. Voici les besoins. Tasama hitaji. Tu as besoin frère sœur. Unahitaji ndugu. Venez rapidement, donnez votre vie au Seigneur. Mpatie Yesu Kristo maisha yenu. Frère sœur. Alléluia. Ndugu dada, tu as besoin d'être de ceux que Dieu va établir et qui vont vivre les miracles, les merveilles de Dieu de telle manière que les mystères de la puissance de Dieu vont commencer à opérer avec toi aussi. Commence à prier, prie le Seigneur. Commence à prier. Vous qui êtes venus devant, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai compris ta parole. Je prends la résolution de donner ma vie à toi. Seigneur, viens dans ma vie. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi définitivement. Sauve-moi définitivement. Je te donne ma vie. Je vais rentrer dans ce mystère de l'établissement à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce les choses que tu as prévues sur mon existence deviennent une réalité pour moi à partir de maintenant. Seigneur, fais-moi trouver grâce au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te confie ces fils et ces filles. Tu les as tant aimés, tu les as choisis. Et je prie que tu les inscrives parmi ceux que tu veux établir ce matin. Et que leur établissement soit effectif. Que leur établissement soit remarqué à partir de maintenant. Et que leur vie ne soit plus les mêmes. Pardonne-leur, Seigneur, leur passé coupable. Et à partir de ce moment, je détruis toute forteresse maléfique. Je détruis toute semence de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus. Ils sont libres de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Alors, avant de partir, s'il vous plaît, nous avons commencé le mois des choses sérieuses. Si tu prends Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux. Si tu prends Dieu avec négligence, le psaume 18, verset 27 dit, à celui qui est pervers, Dieu se montre avisé. Si tu te montres pervers dans cet engagement que tu viens de prendre, Dieu sera avisé à ton sujet. Alors, à la fin du culte, vous allez vous déplacer vers le bureau de l'évangélisation. Et ils vont vous guider pour quelque chose. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour les bien-aimés. Reprenez vos places. Nous prions. Reprenez vos places. Levons nos mains ensemble. Quelque chose s'est passé dans ton cœur ce matin. Et tu as compris que tu as besoin de l'établissement. Tu vas prier avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je veux être établi. À partir de ce matin, voici mon cœur. Voici ma vie. Totalement, je me donne à toi. Totalement, je renouvelle mon engagement avec toi. Prends ma vie, Seigneur, et établis-moi afin que je vive les mystères de mon établissement au nom de Jésus. Amen. Amen.